Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 306e épisode de notre podcast. Un épisode qui intervient très rapidement après l'épisode 305 que vous avez entendu il y a tout juste une semaine. Parce que tout simplement nous n'avons pas le temps de tout traiter la semaine dernière. Alors on a reporté quelques titres et Boris est avec moi pour en parler. Oui, bonjour à tous. Alors à la base on avait reporté juste quelques titres. Et au final, quand on regarde la liste de ce qui est prévu aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qui va être pas mal. Une émission presque normale. Voilà. On a un peu craqué. Un petit peu. Et on a relu. Ouais. Essayer de finir rattraper quelques séries. Ouais. Oui, j'ai vu que toi, tu as pas mal de rattrapages. Et puis moi, j'ai des titres sortis mercredi, là, du coup, qui sont arrivés cette semaine, qu'il me tardait de lire. Donc j'en ai lu quelques-uns. Donc on va en parler aujourd'hui. Mais avant, on va commencer par une news. Ouais, une petite news que j'ai déjà mis sur le site, mais je voulais en parler parce que c'est un titre qui me tient un peu à cœur. C'est l'éditeur Aquileos qui lance un financement participatif sur la série de comic strip Pogo de Walt Kelly pour un tome 2. Alors le tome 1, ils l'ont sorti en 2014, donc ça fait 6 ans. Et alors, est-ce que ça a pas trop fonctionné? Est-ce que dans la vidéo qui présente, ils mettent que c'est un titre assez difficile à sortir, hein, qui demande beaucoup d'investissement. Donc là, ils ont lancé un financement participatif pour essayer de trouver quelques moyens supplémentaires. Moi, j'ai participé et c'est vraiment une série de comic strip vraiment très très sympa. Parmi tous les strips que j'ai lus, c'est un de mes préférés. C'est vraiment très drôle, très bien fichu et j'encourage tout le monde à jeter un œil et aller voir un petit peu. Alors bon, ça vaut 39 €, mais c'est un gros pavé, c'est une superbe édition. C'est l'édition équivalente de ce qu'il fait aux États-Unis Fantagraphics. Et franchement, c'est un bel objet. Et je serais bien, bien triste si ça sortait pas parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Parce que pour l'instant, j'ai jeté un œil au bout de 3 jours, il y a 11 ou 12 contributeurs sur 150. Donc bon, si on fait le calcul, ça peut peut-être c'est short. Voilà, un démarrage un peu léger, on va dire. Donc si je peux contribuer à ce que ça fonctionne et apporter ma petite pierre. J'en achèterai pas plusieurs, hein. Donc moi j'ai participé. Oui, hein, ça 150, va me suffire. C'est un peu beaucoup. Voilà, ouais, ça fait un petit prix après. Hein. Puis j'ai pas la place, donc ouais. Ça va être compliqué. Mais non, mais c'est parce que c'était prévu au départ au mois d'août. Je pense qu'avec le confinement, tout ça, ça a été reporté à février. Possible, ouais. T'as un peu dit moi là sur les sites et donc ils sont passés par le financement participatif. Est-ce que voilà, ils n'ont pas trouvé les moyens, les fonds pour faire ce qu'il faut? A priori, la traduction est déjà faite. Il leur reste le lettrage et je sais plus quoi, et puis l'impression évidemment. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et si ça vous dit, allez jeter un œil. Il y a un article sur le site. Et puis bon, c'est sur Kiss Kiss Bang Bang. Donc vous devriez trouver sans trop de difficultés. Et c'est voilà, j'encourage à jeter un œil. C'est du comics différent, de la BD différente, mais c'est quelque chose de vraiment vraiment intéressant. Et si vous êtes curieux, allez-y. Voilà. J'ai fait mon petit message. Le message est passé. Mais bon, on va attaquer du coup les reviews de la semaine. Enfin, la semaine. Ouais, ça y est, c'est le truc. L'émission devient hebdomadaire. Non, pas du tout. Les reviews que nous avons en plus depuis la semaine dernière, on va dire. Et on va commencer avec ce qui est un des événements de cette semaine. Là, pour le coup, c'est sorti mercredi, enfin même mardi, puisque DC sort ses titres le mardi maintenant. C'est le Rorschach numéro 1 sur 12. Série scénarisée par Tom King. Et sur laquelle on retrouve Yoré Fornes pour les dessins avec les couleurs de Dave Stewart. Mini-série en 12, je le disais, dans le Black Label, donc forcément on s'attend à un ton un petit peu adulte. Je n'avais pas lu les sollicitations volontairement, je savais que j'allais lire ce truc, Tom King, Fornes, Rorschach dans le Black Label, où forcément il y avait à peu près tout pour me plaire, même si Tom King, on sait ce que j'en pense, notamment sur Batman. Donc j'en avais pas lu les sollicitations, je ne savais pas trop de quoi ça allait parler, et j'y suis allé complètement neutre, du coup, ou presque. Ça commence par une page que vous avez sans doute tous vue sur les réseaux sociaux, parce que ça a été un des gros éléments de communication pour cette série. Une page sur laquelle on voit un homme qui semble être Rorschach courir et se faire abattre. Donc là on se dit ok. Et en fait on se trouve en 2020, en pleine campagne électorale du président Reagan. Non, pas Reagan, Redford. Mais c'est Redford le président dans Watchmen. Qui fait campagne pour son énième mandat. Et on est sur un des meetings électoraux à l'échelle locale. Et c'est pendant ce meeting, sur une des coursives qui surplombe la Seine, qui a été abattue ce Rorschach, ainsi qu'une autre femme, enfin ainsi qu'une femme, tout simplement, masquée elle aussi. Qui est-elle? On l'apprend assez vite dans l'enquête avec le médecin légiste, les empreintes et tout ça. Par contre, qui est-il, lui? C'est un mystère. Pour quiconque a lu Watchmen, vous imaginez bien que Rorschach n'est pas censé être là, et encore moins en 2020, il s'est quand même passé un peu de temps depuis, et du coup le mystère est entier sur qui est ce mec. Donc c'est là-dessus que va partir Tom King, et l'enquête va démarrer, on va suivre du coup l'autopsie, les premiers éléments des légistes, de la police scientifique, on va recueillir des témoignages aussi, et on va suivre le récit raconté par une des personnes qui assistait à la scène de ce qui s'est passé avant. Et on a quelques clins d'œil un peu à thématique pirate, on va dire, par rapport à Watchmen. Plein de petits clins d'œil, de petites choses comme ça qui sont assez intéressantes. Et puis bah, ce mystère quant à l'identité de cet homme déguisé en Rorschach qui a été abattu. Qui est-il? Pourquoi était-il là? Pourquoi était-il là armé surtout? On est dans du polar, on est dans quelque chose d'assez adulte, d'assez sombre, bien dessiné par Fornes. Pour moi, c'est une bonne surprise. Ouais, il faut être calé sur Watchmen Pas du ou on tout. peut le lire, hein? Non? Il suffit que tu saches qui est Rorschach, Ouais. par rapport au masque, tout ça, qu'il porte, que tu saches que c'est lié à l'univers de Watchmen. Voilà, après, quand tu as lu Watchmen, bah forcément, tu vas voir ce petit clin d'œil au pirate, qui est répété plusieurs fois d'ailleurs dans le truc, donc peut-être que ça sera un petit peu évoqué à nouveau plus tard, je ne sais pas. Mais c'est tout. Que tu saches que Ouais. Redford était le président dans Watchmen. Là, on est en pleine campagne pour lui. Bon, voilà, je pense pas que tu aies besoin de beaucoup plus de bagages. En tout cas, avec ce numéro. Ok. C'est Et assez ça. new reader friendly, je trouve. Voilà. Tu pars sur un polar, au pire, où tu vas essayer de trouver l'identité d'un mec qui a été abattu. Enfin, voilà. D'accord. Et pour du Tom King, c'est décompressé ou. Pour du Tom King, c'est pas forcément décompressé, il y a quand même pas mal d'infos dans ce numéro, par rapport au contexte notamment, pour quelqu'un qui ne saurait pas trop où il débarque, je pense que c'est le travail que King fait dans sa narration pour expliquer un petit peu où on se situe est assez intéressant. Non, moi ce numéro, je l'ai pas trouvé vide. J'ai pas eu l'impression que c'est le premier chapitre sur 12 et que déjà celui-là aurait pu en faire la moitié. D'accord. Parce que c'est vrai que moi je suis Strange Adventures. Ouais. Et alors c'est pas vide, mais ça c'est très lent quand même, quoi. Je trouve que c'est pas une écriture single. Je trouve qu'il écrit pas pour du single, quoi, globalement. Hein. Donc même Mister Miracle que j'ai beaucoup aimé, moi je l'ai lu en relié VF chez Urban à la suite. Et je pense que ça a joué sur le fait que j'ai beaucoup aimé. Je pense que si je l'avais suivi en single, j'aurais peut-être trouvé aussi par moment que c'était un peu creux, un peu vide. Je sais pas, Bah c'est vrai que mais sur c'est Strange quand Adventure, même je suis un un peu de ses d'accord. défauts. Donc voilà, il y a des. Puis surtout sur Strange Adventure, il y a des épisodes qui ont entre guillemets pas grand-chose à voir avec le suivant. Enfin voilà, il n'y a pas une réelle continuité dans le récit. Des fois, on passe un peu du pas du coq à l'âne, mais voilà, je me souviens de l'épisode. Je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui enquête sur lui. Et Terrifique. ouais, voilà, terrifique. Il y avait un épisode complet que avec lui. Et là, on se demandait un peu. Enfin, j'étais un peu perdu, moi. Et je trouvais que ça avançait pas, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que voilà, mensuellement, c'est un peu léger des fois. Donc, Non, non, là mais bon, là, c'est. c'est une bonne introduction, on te pose un mystère en fait. Voilà, on te pose le Ok. cadre pour un mystère. Et c'est surtout dès le numéro 2 et 3 qu'on va voir si oui ou non, bah, il y a matière à faire 12 épisodes, quoi. Ouais, d'accord. Je crois que j'étais en 6, moi je sais pas pourquoi j'ai bu en 6, mais. Je crois que c'est en 12, hein, mais Ouais, mais bon. peut-être que je me Mais bon, trompe en même de temps. toute façon, Le Black j'avais Label, prévu c'est d'aller le bien lire, fait, mais. c'est marqué dès le départ. Bah, évidemment, je fais que je dise ça pour que ce soit pas le cas. Bah, c'est même pas précisé dans l'ours à la fin. Mais pour moi, c'est 12. Hein. Ouais, bon, on 12, verra ouais, bien. 12, c'est Hein. ça, 12 numéros. J'avais prévu d'aller le lire, hein, donc quand je l'aurai reçu, je jetterai un œil. Puis c'est vrai que la promesse de Georges Fornes au dessin, Bah ça, c'est une ça promesse tenue promet pour quand même. moi. Ouais, Jusque-là, bon, promesse bah. tenue. Donc, à suivre avec curiosité, j'ai envie de dire. J'ai classé les chroniques d'aujourd'hui par éditeur, donc du coup, le hasard veut que j'enchaîne sur une deuxième. Tu nous disais la semaine Vas-y. dernière toute ta tristesse de voir Flash s'arrêter après 100 épisodes, 103 de Joshua Williamson. C'est cette semaine qu'est sorti le 763 et donc premier épisode de l'ère post-Joshua Williamson. Et c'est Kevin Shinnick qui signe cet épisode avec Clayton Henry au dessin et Marcelo Maiolo à la couleur. Clayton Henry, on le connaît, hein, on l'a vu notamment chez Valiant. Ouais, effectivement. Il fait le Par contre, le taf scénariste. artistiquement, voilà, bah on n'est plus sur du Howard Porter, sur du Rafa Sandoval, Christian Duce et tout. On le voit déjà, ce qu'on n'est pas dans le même style, quoi, l'identité un petit peu. Ouais, j'ai vu quelques pages, ouais. Ça a l'air un peu rond, un peu young, non? C'est un peu plus, ouais, ça a un peu plus des tonalités young, notamment avec un ancrage assez épais sur les contours. Ça me déplaît pas. Ça change un petit peu par rapport à ce qu'on avait depuis 4 ans, mais ça, voilà, ça me déplaît pas jusque-là. Pour parler de cet épisode, comme le dit la cover, c'est le Trickster qui est là et qui tend un piège à Flash. En fait, cet épisode se passe le jour de l'anniversaire de la mort de la mère de Barry. Et plutôt que de se morfondre et de se noyer dans le travail, cette année-là, Barry décide de prendre une journée off et de la passer avec Iris. Alors, qui dit journée off et Barry Allen, en général, ça merde, hein. Enfin, il vaut mieux pas qu'il prenne une journée off. Et il s'aperçoit assez tôt que il a perdu son anneau de Flash, sa Flash Ring. Donc l'anneau qui contient son costume et qui est assez particulier, qui est assez particulier. Et ça le met dans un état de nerfs et de stress assez important. Donc bah, il arrête de se reposer, enfin de se détendre, et il va partir à la recherche de cet anneau. Et rapidement tomber sur le Trickster. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi il tombe sur lui. Évidemment, ça sent le piège bien ficelé et bien fabriqué. C'est assez malin, c'est assez intéressant par rapport à la relation entre Flash et Trickster, cet épisode. On peut presque le considérer comme un one shot puisque l'intrigue autour de l'anneau, de ce qu'a réservé Trickster à Flash, s'est réglée à la fin du chapitre, là, à la fin du 763. On a un petit teasing à la fin sur la dernière page qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire a priori, mais qui nous annonce le prochain épisode. Ça fait le job. Je suis pas transcendé. Je suis toujours sur la descente du run de Williamson. Donc, difficile d'enchaîner, de changer de scénariste, de tout de suite être embarqué et d'avoir toujours un même niveau de satisfaction, de hype, tout ça autour du titre. Voilà, ça fait la transition. Ouais, Sympa. après, je sais pas s'il est prévu pour rester Je sais longtemps pas. sur le titre. Hein. On n'a pas eu d'infos, On n'a a priori. pas trop d'éléments là-dessus. J'ai Donc. bien aimé l'explication que Barry donne par rapport à l'importance de cet anneau pour lui. Mais du coup, l'espèce de petite histoire d'origine un peu autour de la fabrication de cet objet. Voilà, ça c'est quelque chose de sympathique qui est assez intéressant. Après, voilà, on reste sur un classique numéro Flash versus Trickster. En un épisode, ça nous change des longs arcs avec du teasing sur plusieurs mois d'avance, hein, c'est clair. Hein. Ça peut faire du bien d'avoir cette petite respiration aussi, d'avoir des numéros. Allez, c'est en one shot, cet épisode il fait une histoire et puis c'est tout. Ouais, ça. C'est pas forcément une mauvaise façon de faire pour passer d'un très très très long run à quelque chose d'autre, d'enchaîner peut-être des histoires plus courtes, plus dynamiques, plus autocontenues. Ça peut corroborer aussi l'idée qu'il va peut-être pas rester Peut-être. très très longtemps et qu'il est peut-être là pour faire la transition, on va dire, Oui, avec faire un autre. quelques numéros un peu fill-in avant de trouver quelqu'un qui va faire vraiment reprendre la série sur un plus long terme et quelque Voilà. chose de plus construit. C'est possible? Puisqu'on sait maintenant que DC a annoncé ses plans, là on n'en a pas parlé, mais sur le c'est quoi le Future Future Estate, je sais pas quoi. State. Future State, voilà. Ouais. Donc c'est pour c'est janvier Janvier-février. 2021, Voilà, donc janvier-février, tous ouais. les titres DC s'arrêtent pendant 2 mois pour laisser place à des mini-séries en deux, quatre, enfin voilà, en plusieurs deux ou quatre Ouais. parties, ou des one-shots, qui ont pour mission de nous présenter le futur de l'univers DC. Donc une sorte de DC Beyond, si on fait référence à Batman Beyond, ou de DC 2099, si on fait référence à Marvel. Où on va découvrir du coup des versions futures de nos héros, donc de Batman, qui évidemment ne sera plus Bruce Wayne, de Flash qui ne sera plus Barry Allen, et de voilà, Diana ne sera plus Wonder Woman. Le flambeau a été passé à une nouvelle génération de héros, et c'est cette nouvelle génération qu'on va découvrir, et ainsi que le statu quo du monde dans lequel il se trouve, de l'univers même dans lequel il se trouve, puisque apparemment ça va être plus étendu qu'à la Terre. C'est à peu près tout ce qu'on sait. On a la répartition des titres. On a toute la Ouais. liste des titres. Même les couvertures ont été montrées par DC. Avec beaucoup de noms qui, pour moi, me sont totalement inconnus. Ouais, C'est vrai là, que j'ai l'impression qu'il y a un renouveau complet, enfin quasi complet Alors, renouveau et pas de. renouveau, enfin, puisque on sent aussi que c'est des équipes qui vont être invitées pour l'événement. On a des romanciers notamment Ouais, qui oui. interviennent pour ce futur state. Est-ce que derrière ils vont rester? On ne sait pas. Oui, on sait pas trop, mais je sais pas, il y a peut-être une volonté quand même de changer un peu les choses. Je Sans sais pas. doute. Enfin, moi, ça m'a pas excité des tonnes, hein, ce que j'ai vu. Le seul truc c'était que j'ai vu qui me plaisait bien, c'était qu'il y avait Sean Lewis, dont je vais parler tout à l'heure, qui bossait sur une mini, là. Je me suis dit, ça attise ma curiosité, même si je sais plus sur quelle mini c'est, la mini en question me tentait pas plus que ça, mais voilà, je m'attendais pas à le voir dans ce genre de projet. Donc ça me tente très bien à la rigueur, mais bon, j'ai dit que j'arrêtais, hein, donc Oui. c'est terminé. Alors, Sean Non, mais Lewis. c'est pas super excitant, quoi. Si on fait le tour un peu, parce que du coup j'ai le communiqué de DC Ah, t'as sous le. les yeux, ouais, avec toute la liste des équipes. Par rapport à la Bat Family, puisqu'il y a trois univers, hein, Batman, Superman, Justice League. Donc par rapport à tout ce qui va être autour de Batman, la série en 4 qui s'appelle Future State, The Next Batman, c'est une série anthologique avec plusieurs histoires qui vont être contenues dedans. On a notamment The Next Batman par John Ridley, qu'on connaît pour 12 Years a Slave, avec Nick Derrickton au dessin et Laura Braga. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ça? On a les Arkham Knights par Paul Jenkins. Dans Dark Detective, on a Mariko Tamaki avec Dan Mora au dessin. Ça, c'est pas mal. Au dessin Matthew Rosenberg, que tu aimes, n'est-ce pas? que j'ai aimé sur ces séries indé, comment ça s'appelait, We Can Never Go Home, Ouais. mais depuis, bon, moins déjà, Il enfin va être sur Marvel associé et X-Men. à quelqu'un que tu aimes bien, qui est Carmine Di Giandomenico, qui Ouais, avait qui commencé était la sur run Flash de avant, Flash sur ouais. Ouais. Rick Williamson, sur une histoire autour de des Grifters, parce qu'il y a plusieurs, il y a un S à Grifter. Et Joshua Williamson, on le retrouve là aussi dans l'univers de Batman pour Ouais, Red Hood. je pense que lui, il est bien ancré là dans le l'éditeur. Ils lui font confiance, il a fait quand même du bon boulot. Ouais. On devrait le retrouver, ouais. On aura Ram V sur la mini-série Catwoman. Ouais, bah, il a commencé à travailler sur la série, hein, donc ils vont le maintenir avec Otto Schmidt au dessin. Effectivement, Ouais. qui était sur Green Arrow, Nicolas Scott qui au est un dessin de très la mini sympa. Nightwing. Ouais, non, il y a du monde, hein, mais voilà. Après, voilà, hein, effectivement, une série qui s'appelle Robin Eternal. Moi, le titre m'intrigue. Du côté de Superman, c'est Sean Lewis, voilà. Sean Lewis, il va faire Superman of Metropolis. Ouais. En deux parties. Oui, d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs Superman, je sais pas, ce serait pas un remplacement complet des héros d'ici, je sais pas. C'est pas clair encore ça. Bah, Si, tout ce qu'on sait, c'est que Clark Kent a été rejeté de la Terre suite à un événement. Dame Ned. Voilà. Et c'est le manteau de Superman, la cape de Superman plutôt, a été reprise par John. D'accord, Ouais. ok. Après, il y a plusieurs éléments qui sont expliqués. Il y a plein de. C'est très facile de retrouver la présentation de Future State. Donc, Sean Lewis, ouais, c'est sur Superman. Qu'est-ce qu'on a qui peut être intéressant dans l'univers Superman? Brandon Easton, qui est romancier, Je sur connais pas. Mister Miracle. Becky Cloonan sur Wonder Woman. Oh, bon. Ils ont gardé Bendis sur Bendis la sur la Légion. Légion, oui, bon, on n'est pas Je connais très étonné. plus. Future State Wonder Marc. Woman par Joel Jones, seul. Ouais, j'ai vu ça, ouais, qu'elle avait posté des images sur ce titre. Il y a aussi Mark Russell et Steve Pugh, dont je vais aussi parler tout à l'heure. Eux, ils sont pas mauvais tous les deux normalement. Non, non. Ouais, bon. Si on s'intéresse à la Justice League, c'est Joshua Williamson, avec Robson Rocca, qui s'occupera de Justice League, avec Ram V à la Justice League Dark. Ça, on sera pas surpris, puisque c'est lui qui s'en occupe actuellement. Hein. Ouais, après, ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Pour qui veut tout suivre, ça va falloir Ça sortir fait le beaucoup chéquier, hein. de choses. Alors, tous les titres s'arrêtent. Ouais, mais quand même, hein. J'attends de voir les sollicitations exactes de ce qui sera au mois de janvier et de ce qui sera au mois de février. Parce qu'on sait que pour chaque univers, donc Batman, Superman, Justice League, il y a un, voire deux pour Batman, numéro de la série principale, on va dire, qui vont sortir dans le mois de janvier. Donc des numéros un peu Ouais. anthologiques. Et après, par rapport aux mini-séries et one-shot qui sont annoncés dans tout cet événement, ça va être réparti entre janvier et février. Donc lesquels de la liste vont sortir en janvier et lesquels en février? Je sais pas. Ouais, mais ça fait quand on regarde la liste, voilà, Mais ça on se peut dit faire pas mal, que ouais. Ça peut faire pas mal, ouais. Au ça final, il y peut. aura à peu près le même nombre de titres que ce qui sort actuellement, quoi. Sauf que tout va être centré autour de Batman, Superman et Justice League, donc oui, la tentation risque d'être plus grande. Ah, et puis si c'est un espèce de méga event, bon, ceux qui veulent un peu suivre tout. Bon, bah après, ça se trouve, ça va être comme les events habituels, il va y avoir des histoires annexes pas très forcément essentielles. Hein, donc, Oui. mais ça va peut-être pas être forcément facile de faire le tri, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de mini-séries. Je sais pas, ouais, c'est. Bon, voilà, ils tentent des choses, on verra bien. Moi, je suis pas du tout hypé, hein, mais on verra bien. Je Oui, verrai voilà, faut, on va ce qui voir un en petit peu. sort. Et puis. Surtout j'attends des sollicitations aussi un peu plus précises, peut-être, Ouais. pour Oui, pour l'instant, c'est un aperçu, on va dire, global. Hein. voilà. Mais bon. Voilà, du coup, bah, pour Oh. cette petite parenthèse Future State, on Voilà. vous en dira plus quand on en saura plus, puis on vous parlera de ce qu'on lira, évidemment. Hein. Tout ce qu'on sait, enfin tout ce qu'on sait quand même, c'est que ça remplace la 5G, la fameuse 5G que Dan Didio nous avait Oui, qui annoncée avant d'être virée. A priori, elle est devenue Future State. Voilà. voilà, c'est enterré, on va dire, et ils l'ont Maintenant, qu'est-ce que remplacé ça par ça. donnera après? Ouais, je Ça sais serait pas. moche qu'ils nous introduisent juste cet univers pendant 2 mois autour d'un super event, machin, tout ça, pour qu'au final, derrière, on n'ait pas au moins quelques séries qui en découlent, quitte à ce que ça fasse un petit univers comme l'univers Ultimate chez Marvel ou quoi, ou l'univers 2099, peu importe, mais qu'on ait au moins une ou deux séries qui continuent après dans cet univers-là. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de. Ils n'ont rien dit pour l'instant. On ne sait pas trop quel impact ça va avoir sur la suite. Bon, on verra bien. Oui, Voilà. on verra bien. Et du coup, on va quitter DC. Et on Voilà. va passer à Image. C'est bien chez Allez. Image que sort Ouais. Detective Blood. Tout à fait. Et ça, c'est moi, effectivement. Donc, Texas Blood de Chris Condon et Jacob Phillips. Donc, je suis cette série depuis le début. Hein. On en est à l'épisode 4. Alors, c'est une série qui est une série d'ambiance surtout. Bon, au départ, c'est vrai que voyant le nom Phillips sur un titre, l'association avec Brubaker Phillips, d'autant plus que Jacob Phillips a fait les colorisations des graphic novels et des séries des deux comparses. Je m'attendais à du polar, quoi. Mais bon, effectivement, quand je l'avais interviewé, il avait été clair que c'était pas forcément son truc, même s'il y a quand même un bon fond de polar dans cette histoire. Alors, l'histoire initiale, c'était que voilà, un individu était tué dans une bourgade du Texas, une bonne bourgade américaine, voilà, avec ses personnages un peu étranges, un peu secrets. Et ça, c'était dans le premier épisode. Et ensuite, on découvrait son frère qui venait voir un petit peu pourquoi son frère avait été tué et qui essaye un peu d'enquêter à sa façon. Et en fait, et ça c'est ce qui ressort de ce numéro 4, c'est davantage un peu une chronique familiale que ce The Texas Blood. On voit son frère parcourir la maison familiale où était son frère, effectivement, enquêter un petit peu, voir les à côté. C'est pas vraiment un polar, quoi. Mais c'est quand même bien fichu et ça prend son temps. C'est très cinématographique, à la fois graphiquement. C'est vraiment un storytelling très cinématographique, avec des plans. Si on imagine un film, on pourrait imaginer un film qui est assez lent avec des plans prolongés. Et là, voilà, on peut avoir plusieurs cases qui se ressemblent un peu, mais qui se modifient un petit peu et qui font apparaître l'ambiance et le ressenti des personnages. Donc là, il ressasse un peu le passé. On voit que bon, ça lui fait pas forcément du bien et qu'il finit plus ou moins dans un bar à picoler un petit peu. Et en même temps, on voit l'inspecteur, le flic qui enquête depuis le début, qui est un flic quasiment à la retraite, qui lui aussi s'inquiète pas mal du fait de sa condition et des. Ben on voit qu'enquêter dans une bourgade où tout le monde se connaît, où chacun a ses secrets, c'est pas évident. Et donc ça le traumatise un peu et ça l'inquiète. Alors il ne se passe pas énormément de choses, comme dans tous les épisodes depuis le début. Mais par contre, voilà, c'est vraiment un comics d'ambiance. C'est vraiment l'ambiance, moi je trouve, qui compte. Et en plus, avec le dessin de Jacob Phillips, ça fonctionne super bien. Il a vraiment une patte qui nous immerge dans cette série. Et moi j'aime beaucoup. Alors je pense que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde va pas. Il y a des gens des lecteurs qui vont s'ennuyer sans doute. Mais pour moi ça fonctionne pas mal. Donc c'est toujours à chaque fois je j'ouvre un épisode c'est toujours un plaisir. Et après je sais pas en combien de. Pour l'instant c'est une ongoing. Hein. Je sais pas si prévoit beaucoup d'épisodes. Mais pour l'instant moi c'est vraiment une série que j'apprécie. Voilà pour le premier titre Image. Le deuxième c'est Bliss. De Sean Lewis, justement, dont on parlait. et de Kathleen Yarsky. Donc là, c'est l'épisode de 3. Alors, Sean Lewis en VF, on avait, voilà, chez iComics, qui est sorti, il y avait The Few, et le deuxième, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Oh là là, je ne alors sais pas. là, tu Oui, toi, me... tu sais pas, toi, tu... Non, moi, il y a Si, iComics, moi, tu quoi. sais. Bah quoi, À c'est très part bien. Locke & Key. Non, mais oui, ils font de super trucs Et je pour la plupart que je lis en VO, d'ailleurs. sais plus. Coyotes, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est toujours un mélange de polar, de chronique un peu sociale. Il aime bien aborder ses thèmes sociaux dans l'Amérique actuelle et de fantastique. Et là, cet épisode 3, c'est tout à fait ça. Alors, je rappelle très rapidement le pitch initial. C'est une famille, un couple avec leur enfant est malade et pour pouvoir le sauver parce qu'il a besoin de soins, le père accepte de vendre de la drogue et s'associe donc avec des mafieux, on va dire, mais des mafieux un peu étranges. Depuis le début, on ne sait pas trop. C'est pas des mafieux humains, hein, ils ont des têtes d'extraterrestres un peu. Là, il y en a celui qui reste dans cet épisode 3 a eu un peu une tête de tortue. C'est un peu étrange ça. Donc ça, c'est toute la partie fantastique. Pour l'instant, il y en a quand même des interrogations. J'arrive pas trop encore à saisir qui sont ces personnages. Voilà, ça instille quand même un certain mystère. Et donc, dans cet épisode 3, eh bien, on voit que lui-même est devenu accro à cette drogue et que, bah, il se fait manipuler, comme dans toutes ces situations où il y a une relation assez ambiguë entre l'employé et l'employeur, on va dire, pour faire simple. Et donc, on va lui demander d'accomplir des actes qu'il n'a pas envie d'accomplir et que, bon, il va finalement, peut-être, on ne sait pas, accomplir pour pouvoir sauver sa peau et avoir cette drogue. Donc là aussi, il y a un gros côté familial, chronique familiale. On suit la mère et son enfant. C'est assez bien fait, c'est assez touchant. Et puis, il y a un vrai suspense de polar, puisqu'on suit le père et c'est sa femme et son enfant qui vont essayer de lui échapper, puisqu'il a quelques bricoles à voir avec eux maintenant. Un autre point fort de la série, c'est évidemment les dessins de Kathleen Yarsky, qui a vraiment une patte assez particulière, et toujours plein d'idées pour ses mises en page. Je trouve ça assez sympa. Et elle utilise toujours des couleurs dans des tons mauve, gris, qui, suivant les situations et les séquences, s'adaptent parfaitement et varient. Donc chaque séquence, en fait, où qu'elle se passe, ou l'ambiance qu'elle souhaite avoir, bénéficie d'un ton un peu de couleurs différents. Et ça, c'est vraiment vraiment sympa. Donc pareil, au début, j'avais un petit doute. Je trouvais que c'était, enfin, comme souvent avec Sean Lewis, ça part un petit peu dans tous les sens. Il sème des pistes et puis on ne sait pas trop où ça va. Et là, j'ai trouvé que cet épisode 3 a été un peu plus simple, entre guillemets, un peu plus cadré. Et je suis bien rentré dedans et j'avoue que j'ai un peu hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. Je pense que c'est en 12 comme c'est sa série précédente Coyotes. Donc là, on est au 3, on a encore de la marge pour avoir pas mal de surprises. Mais là aussi, encore une bonne série. Je crois que c'est tout. Ben, ouais, pour toi, chez Image, en tout Hein? cas, Non? oui. Pour Image? Ah oui, t'en as un autre. J'en ai une, moi, chez Image, qui est sortie la semaine dernière, je crois. Donc, juste avant l'enregistrement du 305, mais je l'avais encore pas lu à ce moment-là. C'est une mini-série en 4 de Cena Grace et Omar Spahi, avec Jenny Fine au dessin. Ça s'appelle Getting It Together. Ce sera une mini en 4 parties. Pourquoi je suis allé la voir? Parce qu'on m'a vendu dans la sollicitation un drama, et que moi j'aime les dramas, un drama un peu inspiré de séries télé, et j'aime les séries télé, donc je me suis dit, forcément, drama plus tonalité série TV, un peu tendance young adulte, tout ça, enfin voilà, tout était réuni pour que ça me plaise, sauf peut-être la couverture du numéro 1 qui fait référence à la série Friends que bah, moi je n'aime pas. Voilà, désolé, il y a des gens qui n'aiment pas Friends, bah, j'en fais partie. Ça m'a jamais fait rire ni accroché. C'était la petite crainte que j'avais. Je me dis, oh merde, ils mettent ça sur la cover et tout le reste me plaît, la sollicitation me plaît, mais alors la cover, et qu'on parle de Friends, non merci quoi. Et du coup, ça parle de quoi, avant que je vous dise ce que j'en pense? Ça parle de Jack et de Sam, qui sont les meilleurs amis du monde. Sam est en couple avec Lorraine. Lorraine est la sœur de son meilleur ami, Jack. Donc Que déjà, on... tu fourniras un je schéma fournirai un schéma. avec ou parce que Voilà. je suis déjà perdu. Sam et Lorraine sont en couple et Lorraine est la sœur de Jack, le meilleur ami de Sam. Voilà l'espèce de triangle un peu relationnel. Ok, très bon. Lorraine, elle fait du rock. Elle fait partie d'un groupe de rock indé. Et c'est la coloc de son frère, accessoirement. Voilà. Il y a des tensions qui commencent à arriver dans le groupe quand Sam et Lorraine décident d'ouvrir leur relation à d'autres personnes. D'être dans ce qu'on appelle une union libre. Ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, donc voilà. Ils veulent un peu pimenter tout ça. Et ça commence à apporter des tensions. Et tellement de tensions qu'ils finissent par rompre. Et c'est ce qu'on découvre dès la première page de l'épisode. Puisque la première page de l'épisode commence par le côté de Sam, de la rupture. Puis après, on aura le côté de Lorraine. Ouais, et les deux ex se confient à Jack, du coup, quel est l'élément commun entre eux. Et donnent chacun leur version des faits. Et Sam, il se trouve un peu au milieu des deux, le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il doit prendre parti pour sa sœur, pour son meilleur ami? Il refuse de prendre parti, d'ailleurs. Enfin bref, il écoute, mais il ne juge pas. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on va suivre aussi la vie amoureuse de Jack. Enfin de Sam, pardon. Non, de Jack, j'ai bien raison. Même moi, je m'y perds. Donc on va suivre ce petit monde, en fait, tout simplement, une bande de potes avec des relations amoureuses entre eux qui ont l'air de mal finir. En tout cas, c'est le cas au début. On sait pas ce que ça donnera à la fin des 4 épisodes. Et on va suivre un petit peu tous les espèces de dramas autour de ce groupe de personnes. Et c'est très bien écrit. C'est vraiment, vraiment très bien écrit. C'est très moderne. On est vraiment dans les relations amicales, amoureuses, sexuelles et tout ce que vous voulez des années 2010-2020 maintenant même. On est sur quelque chose voilà, de très actuel. Graphiquement, ça le fait aussi. Enfin, on n'y va pas forcément pour les dessins hein, sur ce genre d'histoire. On y va plutôt pour les personnages, les relations qui vont se développer et qui vont être présentées entre eux. Mais la partie graphique fait quand même tout à fait le boulot. Et du coup, il reste encore 3 épisodes à suivre cette joyeuse bande. Et j'en serais parce que ouais, j'étais bien accroché. C'est vraiment bien dialogué. Franchement, si je n'étais pas tombé sur ce petit post Instagram du patron de Boom Studio qui nous conseillait de lire cette série Image, je n'y serais peut-être pas allé. Je me suis dit, si le patron de Boom, qui fait quand même des super titres, nous conseille d'aller lire la série d'un concurrent, c'est quand Ça doit pas même être mal. que ça doit être bien, quoi. Et effectivement, Ross Ritchie a encore eu le nez creux là-dessus. Alors certes, il connaît les créateurs de la série, et c'est aussi pour ça qu'il en a parlé. Mais c'est quand même assez rare de voir Oui, il n'était pas obligé, quoi, donc. Un éditeur en chef, un rédacteur, enfin non, oui, un patron d'une maison d'édition conseiller d'aller lire, de précommander le titre d'un concurrent. Je trouve ça plutôt sport et bien de sa part. Donc du coup, moi, ça a aiguisé ma curiosité. La façon dont il en parlait m'a bien plu. Et effectivement, j'ai bien fait de me laisser tenter, quoi. C'est tout à fait le genre de truc que moi j'aime voir dans les séries télé ou que j'aime lire en roman ou même en comics d'ailleurs parfois. Voilà, des choses, voilà, du bon vieux drama qui me plaît bien. Donc je serai là pour la suite et n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus si vous avez l'occasion de le faire, que ce soit par le TP qui sortira assez rapidement, parce que c'est une série assez courte, ou sur une éventuelle sortie VF chez un éditeur un peu. Je pourrais très bien voir ça chez un Aquileos, ou pourquoi pas chez un Delcourt, mais voilà, quand on voit Aquileos qui propose des choses comme Giant Days et des choses assez modernes comme ça, autour de relations amicales et compagnie, machin. Ça peut le faire, oui. On a un pan peut-être un peu plus mature que Giant Days, mais qui collerait tout à fait à ce qu'il propose, je trouve. Je vais leur envoyer le Ouais. numéro. Je serais que j'avais vu, tu m'en avais parlé, mais j'avais pas fait gaffe que ça sortait là. Mais bon, après, en 4 épisodes, j'irai voir le TP. Hein, je vais pas, je Oui. pense, me remettre au mensuel, mais ouais, ça donne envie, quoi. Ça a l'air sympa. Puis c'est vrai que là, je vois quelques extraits. Le dessin, ça fait le taf, hein, y a pas de souci. Alors voilà, vraiment, Donc, enfin, je le dis vraiment pour tout le monde, il faut aimer le drama. Il faut aimer ces séries bah après, à oui. la Beverly Hills, à la truc comme ça, avec des relations amicales, amoureuses qui se font, qui se défont, etc. Voilà, on est clairement dans ce type d'ambiance. Enfin, c'est des personnes qui écrivent et dessinent ça. qui, à mon avis, en ont mangé des séries télé un peu de ce genre-là, ou des films de ce genre-là, des dramédies, des comédies romantiques, appelez ça comme vous voulez. Voilà, on est vraiment clairement dans cette veine-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire dans le marché actuel des comics, et ça fait du bien. Ouais, après, si c'est bien écrit, des fois on peut être tenté sans être Oui, c'est forcément ça. fan de ce genre de. Voilà, si c'est bien fichu, je pense que ça peut avoir le coup de tenter. Hein. Mais bon, on verra. Je verrai ça, moi. Très bien. Voilà pour Image du coup. Allez, on va changer de Bon. crèmerie. On aime bien aller grignoter chez chacun. Et Voilà. on va aller chez notre crèmerie préférée peut-être. En ce moment, oui, Et c'est l'éditeur qui nous propose le plus élu de bonnes saveur de séries, l'année, on va quand dire. Et puis je vais même. te laisser Donc. commencer du coup sur notre... moi en tout cas, mon petit coup de cœur indé du moment. Ouais, je vais faire assez vite vu que tu en as parlé dans le dernier Ah oui, c'est vrai. podcast. Mais c'est pas grave, reparlons. T'avais déjà oublié. Donc j'ai rattrapé mon retard sur Wind de James Stanford et Michael Gallinas, ou Michael Gallinas. Donc j'ai rattrapé le 3 et le 4. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est un gros coup de cœur et c'est même ça monte en qualité, je trouve. Les deux premiers étaient sympas. Le premier était un peu un tome d'exposition quand même, hein, où on découvrait un peu l'univers. Le deuxième commençait à installer des pistes un peu dramatiques, justement, de tension. Et là, le 3, puis le 4, ça grimpe, ça ne cesse de grimper. Alors déjà, James Stanford développe son univers avec quelques pages où il explique un peu les origines de cet empire un peu refermé sur lui. Donc ça donne quelques idées pas inintéressantes. Et puis après, ça se lit vraiment comme un page-turner. Je trouve que... Il y a pas mal d'action, ça avance, les personnages sont vraiment très attachants. On découvre de nouveaux personnages, notamment dans l'épisode 4, avec un côté féerique, là. Vraiment très sympa. Et dans l'épisode 4, il amène une certaine poésie avec le dialogue entre Wind et, alors je ne sais plus ce que c'est exactement comme personnage, la générale, voilà, qui est censé les accueillir à la sortie du tunnel, puisqu'ils s'enfuient. Oui, je vois de qui tu parles, Tu mais oui, vois? Je je... crois, je sais plus quel, je crois qu'il appelle le général. Il y a peut-être un nom, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il y a toute une séquence de dialogue hyper touchante, j'ai trouvé. Et voilà, ce que tu disais, voilà, il y a un discours sur la différence, sur la tolérance, qui est vraiment intéressant. Tout ça mélangé à la fois avec de l'action quand même, parce que cette espèce de course-poursuite, je trouvais, est assez dynamique et bien fichue. Et vraiment, c'est effectivement un gros coup de cœur, quoi. C'est une excellente série. Et le monde graphique créé par Gainas fait le job aussi, hein, quand même. Hein. Il a un trait quand même assez rond, un peu young aussi, on peut dire. Et je trouve qu'il a, voilà, ça fonctionne très bien au niveau des couleurs. Ah, les C'est couleurs, c'est ouf. très sympa. Ouais, c'est vraiment. Il y a des séquences avec des couleurs assez vives, très Qui très parfois jolies. paraissent presque fluo, enfin c'est vraiment... Ouais, ça donne un aspect un peu magique, effectivement, Ouais. un peu féerique. Et puis que ce soit sur les scènes d'action, que sur les scènes plus calmes ou dialogue, etc. Ça fonctionne très bien. Il reste qu'un épisode, effectivement. J'ai vérifié, on en avait Mon parlé la cœur dernière est déjà fois. déchiré. Ouais. Alors sur le site de Boom, il y a marqué fin du premier arc, mais bon. Ah. Si, à moins que il ait prévu que ça, et que si ça fonctionne du tonnerre, il prévoit d'enchaîner sur une suite. Je pense pas qu'il ait une suite pour l'instant de prévue, mais Ou alors non, ils franchement. Et vont nous puis annoncer à la fait que ce trêve. soit des, ouais, je sais pas. Le fait que ce soit des épisodes doubles, ça permet aussi, quand on lit l'épisode, de gagner en densité, quoi. On n'a pas l'impression d'être un peu affamé encore à la fin de la lecture. Oui, parce qu'on aura eu une série en 5 parties, mais qui équivaut à 10. Enfin, voilà, Voilà, on aura un bon c'est gros équivalent à 10 recueil. épisodes, quoi. Ouais. Donc vraiment, ouais. Coup de cœur, effectivement. Et niveau qui augmente avec le 3 et le 4, là. Et cette petite Donc, si... scène où Wind laisse un peu aller sa colère, Ouais. dont je parlais la semaine dernière, tu l'as ressentie forte aussi? Ouais, c'est un passage fort, effectivement. Ouais, ouais non, mais il y a Et voilà, qui fait quelques écho du séquences coup au tout vraiment premier épisode, au bien tout fichues. tout début du premier épisode quand il fait son cauchemar. Je sais pas si tu te rappelles. Là, non, je me souviens plus. Il fait ce cauchemar et il a quand même pas l'apparence. Enfin, il a une apparence qu'on Ah, lui c'est au tout début, oui, d'accord. voilà, Ouais, qu'on lui a encore pas vu jusque-là. effectivement, ouais. Je pensais que ça allait nous être une annonce qu'on nous faisait par rapport à ce qu'elle allait devenir dans cette mini-série et compagnie machin. Pour le moment, non. Donc c'est peut-être ça aussi qui sous-entend, qui laisse. ouvert la possibilité d'une suite, parce que je ne le vois pas en juste le dernier chapitre changer à ce Bah, point-là. j'ai été voir moi si c'était en 5 ou pas, et j'ai lu la sollicitation. Et la sollicitation laisse penser que voilà, que pour sauver ses amis, il va devoir assumer son pouvoir magique. Donc peut-être que là, on va découvrir effectivement ce lien avec le cauchemar initial. On verra. Je pense qu'on ne devrait pas être déçu normalement. Non, je Il y a de pense grandes pas, chances. ça, il y a quand même très très peu de chance, quoi. Et oui, on peut toujours espérer, du coup, une annonce d'un deuxième arc une fois le dernier numéro Bien. sorti. Ce sera le 28 octobre. Oui, c'est bientôt là. Oui. Il y a Ouais. pas mal de séries qui vont s'achever assez rapidement d'ailleurs, qu'on lit, qu'on suit. Oui, il y a toute une série de fins qui arrivent, effectivement. Et ben voilà pour ce retour sur Wind, qui, ma foi, me remplit de joie. Seven Secrets maintenant. Ça aussi, ça fait partie des bonnes nouveautés de ces derniers mois. Alors c'est encore boom, hein, désolé, mais pas de ma faute s'ils font que des trucs bien en ce moment. Seven Secrets, c'est Tom Taylor et Daniele DiNicolo au dessin. Daniele DiNicolo qui est aussi en interview d'ailleurs sur le site, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sympathique artiste. Vous pouvez aller lire l'interview. Seven Secrets, je vous en avais parlé, je crois, déjà du numéro 1, quand c'était sorti. Ou avant que ça sorte, même, Ouais, on effectivement. l'avait écrit Oui, ensemble. oui, Ouais. oui. Bon, j'en avais reparlé après, mais. Avec cette notion de 7 secrets à garder chacun par un porteur et un protecteur. Et des événements assez dramatiques au début, enfin, pendant ce numéro 1. Forcément, un secret qui perd son porteur, qu'il va falloir remplacer, donc on fait connaissance par la suite avec plusieurs personnages, dont Caspar. Caspar qui a des origines qui lui sont cachées, en tout cas au départ, il connaît pas ses origines, il connaît pas le secret autour de ses parents, etc. Que nous on apprend en même temps que lui quasiment. Et ce numéro 3 est assez centré autour de ce personnage-là, et autour aussi d'autres qui vont concourir, qui vont être évalués, testés, je sais pas comment on peut le dire, pour remplacer le porteur qui a disparu. Et c'est ce qui se passe dans cet épisode 3, en fait. Voilà, c'est le processus de sélection d'un porteur de secret, comment ça se déroule, hein, dans cette pas agence, dans cette organisation plutôt. Et c'est ce qu'on s'attend à voir, quoi, quand on voit un peu le délire autour de cette organisation, de ces secrets, etc. Voilà, c'est le type de sélection qu'on s'attendait à voir. C'est très dynamique. Il y a vraiment ce côté, effectivement. C'est Erwan qui le disait sur Instagram aujourd'hui, quand il parlait du premier épisode qu'il a beaucoup aimé. Il disait, il y a vraiment, chez Taylor en général, et associé à DiNicolo sur cette série, il y a vraiment un côté cinéma, où on a l'impression d'assister à un film qui se déroule, soit un vrai film d'action qui se déroule sous nos yeux, d'action et d'espionnage. Et c'est encore le cas avec ce numéro 3. On est clairement dans ce genre d'atmosphère, et c'est hyper dynamique, rythmé, toujours bien écrit. Caspar est un personnage que j'aime beaucoup. Le secret qu'il apprend dans cet épisode le rend encore plus sympathique. Voilà, moi j'accroche bien à ce truc-là. Toi, tu as lu les deux premiers, hein. Ouais, j'ai eu deux premières. Le premier, on en avait parlé, Ouais. m'avait globalement plu, même si j'avais mieux aimé la deuxième partie que la partie introductive. Le deuxième, j'avais été perturbé parce que je trouvais que, en termes d'ambiance, on était un peu dans l'esprit shonen. C'est-à-dire qu'un peu, voilà, on est toujours dans le young, on va dire. C'est un peu la mode en ce moment, je trouve. Je trouvais qu'il y avait un vrai décalage entre le premier épisode et le deuxième. Et je savais pas trop si. Alors, c'était bien écrit, c'était. Alors, effectivement, c'était hyper dynamique. Et puis, DiNicolo a quand même un dessin inspiré du manga, quand même. Ouais. Il y a quand même des influences hein, Oui, en termes de graphisme qui renforcent ce côté dynamique et ce côté un peu shonen. Donc, je t'ai perdu. je savais pas trop si c'était ça que j'avais envie de dire, quoi. Donc, je vais voir à la suite, pour la suite, si le 3, le 4 sont aussi dans le même esprit ou si j'accroche, on verra bien. Hein, il y a pas de raison, il faut que je teste. Mais j'avais trouvé qu'il y a un vrai décalage en termes d'ambiance et d'écriture entre les deux. Donc bon, C'est vrai. là t'as l'air Et convaincu là, par ce 3, donc on est sur un mix entre les deux ambiances que tu décris dans ce numéro 3, clairement. Il y a vraiment ce côté bon. shonen dans le processus de sélection du nouveau porteur, etc. Ça, tu vas le ressentir, clairement. Mais il y a aussi ce côté qu'on avait dans la fin de ce premier épisode, autour de l'organisation, etc. De sa place dans le monde, à quel point cette organisation est ancrée dans le monde. On va le découvrir là, au début de ce troisième épisode. Il y a vraiment les deux, vraiment les deux ambiances des deux premiers épisodes qui vont se croiser et se rejoindre dans le troisième. Bah, c'est peut-être pas mal, ça va peut-être équilibrer un peu les choses. Et Et quand tu vois la cover du vraiment. numéro 3, tu penses forcément au shonen. Moi, je l'ai pas vu, moi, Toi, mais quand tu la même dans le 2. verras, Ouais. tu, enfin, voilà, effectivement, tu penses à ce style manga. Il y a beaucoup de postures aussi dans les scènes, notamment d'action, qui font penser aux Ah combats dans ouais, les il y a mangas, des trucs comme ça, donc oui. une vraie influence hein, dans son dessin. Bon, bah écoute, de toute Un façon, petit j'avais easter prévu egg Boom de Studio à continuer. l'intérieur de l'épisode que j'ai trouvé très savoureux. Où D'accord, bon, j'essaierai de on voit la le trouver. cover d'un ouvrez l'œil, on voit la cover d'un comic Boom qui sort en ce moment, qui est glissé quelque part dans une image. Je trouvais ça super sympa. Je chercherai ça. Comme si les comic books de chez Boom étaient aussi des fictions à l'intérieur même des séries. Ouais, ça rigole. Là, ça rigole C'est plus. assez intéressant. Ouais, non, c'est cool. C'est cool comme Wicked Things d'ailleurs. Oui, aussi, Wicked Things qui va s'arrêter. Et encore une qui se termine, ouais, On dans en un est. épisode. Voilà, on en est au 5, donc. C'était Je le croyais 5, ouais. qu'on était au 4. Donc ce sera en 6, puisque à la fin, il y a marqué To be concluded. Bah, c'est bien dommage, effectivement. Donc c'est John Allison, Max Harin au dessin et Whitney Cogart aux couleurs, donc le trio magique de Giant Days. Donc on suit toujours Charlotte, qui au départ, je le rappelle, est accusée d'avoir pas assassiné, d'avoir agressé un détective en herbe, quand même un peu japonais, lors d'une sorte de gala de jeunes détectives. Et depuis, elle est en rétention amicale, on va dire, dans un bâtiment. Et en parallèle, elle aide les policiers, puisqu'ils ont quand même, ils se sont quand même aperçus que c'était un fin limier. Donc elle les aide à résoudre des enquêtes. Alors évidemment, le point fort de la série, je le dis depuis le début, c'est l'humour, le personnage haut en couleur qu'elle est. Et donc sa façon de résoudre relativement facilement des intrigues que les policiers n'arrivent pas à résoudre. Donc ça, c'est un côté vraiment sympathique et burlesque et qui font passer l'équipe de flics anglais pour des tocards un petit peu. Hein. Et donc là, bah, c'est pareil, ça continue. Alors en parallèle, il y a ses amis qui essayent quand même de prouver qu'elle est innocente. Qu'elle est innocente, a priori. Donc une enquête un peu, une enquête obsessionnelle, on va dire, d'une de ses amies à ce sujet. Honnêtement, c'est toujours drôle, toujours sympathique. Charlotte est toujours attachante et on a envie de suivre ses aventures. Et puis bah, malheureusement, ça va s'arrêter. Donc, mais peut-être qu'il va revenir après sur cet univers. Moi, je suis toujours très satisfait, toujours accro. Je trouve que Max Harin a vraiment ce trait qui fonctionne bien avec cette veine humoristique. Elle a quand même bien évolué, bien progressé depuis Giant Days. Je trouve que c'est vraiment un super dessin. Moi, toujours une série très agréable. Quand on aura fini au bout de 6, la seule question que je me poserai, c'est qu'est-ce qu'il a voulu raconter exactement? Est-ce qu'il a voulu, voilà, est-ce que c'est juste une série humoristique où on s'amuse, où le personnage, voilà, c'est le personnage qui est le centre de l'histoire, et puis au final, l'histoire en elle-même, cette histoire d'intrigue où elle aurait agressé quelqu'un et on ne sait pas vraiment, on essaye de l'innocenter. Est-ce que ça aura réellement une importance ou c'est juste un prétexte? On verra comment il conclut son histoire et ce qu'il voulait en faire. Mais sinon, à lire comme ça, épisode par épisode, c'est toujours un vrai plaisir. On a la banane en lisant ces épisodes et le sourire aux lèvres du début à la fin, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup encore cette série, toujours. Ouais, je suis à jour aussi, je suis d'accord, T'es à jour? effectivement. J'aime pas les séries comiques habituellement, mais là, la magie de Giant Days opère encore, quoi. Ouais, Donc, c'est voilà, la le même magie de ton, John quoi. Hein. Allison, quoi, aussi. Ouais, il se débrouille bien le garçon quand même. Donc non, c'est sympa, c'est vraiment sympa à suivre, quoi. Donc à voir pour la conclusion dans le 6, dont on parlera bien évidemment. Ah oui, ça arrive en fin de mois, je crois. Bah pareil, c'est le 28, je crois. Il y a pas mal de trucs. De toute façon, il y a la semaine de la mort pour moi. C'est la dernière semaine, je crois, de chaque mois où il y a je sais pas combien de séries C'est vrai que la dernière excellentes semaine du mois, à qui chaque sortent fois, et est... qui Ouais. vont justement pour une bonne partie s'arrêter. Ah ouais, non, mais je crois qu'il y a Bliss, il y a Wind, il y a Wicked Things, enfin il y a toutes ces séries-là qui vont se clôturer. Donc après, on verra, ça, on va être en manque, il va falloir trouver d'autres séries Oh, il y en aura, à t'inquiète pas. suivre. On peut leur faire confiance. Ouais. Une série qui s'arrête aussi ou qui est pas loin de s'arrêter? Spider-Man L'avant-dernier aussi. Noir, puisque là on va Ouais. passer chez Marvel, effectivement, et Spider-Man Noir, il me semble qu'on arrive aussi vers la fin, et c'est l'avant-dernier, d'après ce que j'ai cru Ouais, entendre que ouais. tu disais. Ouais, c'était en 5 et là c'est le 4. Alors là aussi, j'en avais déjà parlé à plusieurs fois. Donc c'est Margaret Stoll au scénario, Ron Ferrera au dessin. Donc j'avais déjà expliqué que ce qui m'avait fait aller sur cette série, c'était les dessins de Ron Ferrera, et qui m'avait fait continuer aussi, hein, parce que le scénario était relativement classique. Donc c'est une sorte de course-poursuite après une pierre magique des États-Unis jusqu'à l'Europe, et maintenant on se retrouve en Afrique. Un peu une sorte d'aventure à la Indiana Jones, qui était sympatoche, mais pas surprenante et pas totalement excitante. En termes de dessin, c'est toujours superbe. Moi, j'aime beaucoup ce dessin en ton de gris, là. Je trouve qu'il avait déjà utilisé ça sur Spider-Verse, que je n'avais pas regardé, pas lu, mais voilà, ça fait sa marque de fabrique, je trouve, un petit peu, là. S'il garde un peu ce genre de dessin, c'est vraiment, vraiment sympa. Au niveau composition, au niveau... storytelling, dynamisme, c'est vraiment super. Moi, j'apprécie vraiment ces dessins. Alors au niveau histoire, cette fois-ci, j'ai été surpris. Là, j'avoue, j'ai pas vu venir quelques petits twists et quelques surprises, notamment un personnage qui en fait se révèle être issu du Wakanda. Alors celui-là, je l'avais pas vu venir Ah du oui. tout. C'est une Dora Milaje. Et pour l'instant, c'était plan-plan. Voilà la petite enquête gentillette. Et là, franchement, ouais, ça relance bien le truc, ça amène un côté un peu fantastique, pas inintéressant. Et ce côté fantastique est encore plus renforcé à la fin, avec vraiment là quelque chose de un Spider-Man transformé, on va dire, complètement. Et là, ça apporte quelque chose, quoi. C'est toujours de l'aventure, il y a toujours ce côté Indiana Jones, mais j'ai été surpris, quoi. Il y a un vrai côté intéressant, fantastique, qui rehausse la qualité et l'intérêt de cette mini. Donc j'irai bien évidemment conclure avec l'épisode 5, on verra bien ce que va faire la scénariste, mais ça a gagné un petit peu dans mon cœur le fait que voilà qu'elle sorte un peu des chemins balisés qu'elle avait emprunté jusque-là. Donc c'est sans doute pour moi au niveau scénario le meilleur épisode depuis le début. Donc bon, bah, c'est tant mieux, hein. Après graphiquement, il n'y a pas eu de mauvais épisode ou d'épisode plus faible, c'est vraiment toujours très beau. Donc une bonne petite surprise pour cet épisode 4. C'est très bien. C'est bien d'être surpris. On n'a plus l'habitude. Bah ouais, là c'était plan-plan un peu quand même, il faut le dire. C'était voilà, une enquête, on a l'impression d'avoir déjà vu ça 500 fois. Bon, après le fait qu'il y ait un personnage du Wakanda, c'est pas non plus. C'est l'univers Marvel, donc. Mais Oui. je ne m'y attendais pas, je pensais pas que voilà, ça allait arriver là-dedans. Donc c'est bien. Eh bien, c'est cool. Est-ce que c'est bien aussi Thor numéro 7? Et tu Je t'avoue que moi, es à jour, non? justement, ce que j'allais te dire, non. Non, parce que cet arc en deux parties là, où c'est plus Nick Klein au dessin et où on sent clairement qu'on est dans un truc qui a plus trop à voir avec ce dont on nous parlait depuis le début de la série, ne m'a pas intéressé. Donc je l'ai sauté. Donc j'attends le retour de D'accord. l'artiste principal pour reprendre, à mon avis, l'histoire principale. Parce qu'à mon avis, on est dans un truc pas très intéressant. Est-ce que je me trompe? bah oui. C'est vrai? Alors intéressant, je sais pas. Alors c'est Donny Cates toujours au scénario, c'est Aaron Cuder au dessin avec Matthew Wilson aux couleurs. Eh bien, moi j'ai trouvé que le premier arc en six parties était un peu ronflant. Hein. Ouais. C'était pas toujours passionnant, il faut être honnête. Ça se voulait ambitieux avec beaucoup de choses cosmiques, etc. Mais je trouvais que c'était au niveau de l'écriture, il y a des fois c'était un peu lourdingue et un peu long. Et là, on retrouve un peu le ton un peu plus léger que Donny Cates, c'est parfois bien mêlé à ses intrigues. Il y a pas mal d'humour, il y a Beta Ray Bill, donc déjà c'est un bon point quand même dans l'épisode et dans l'arc. Il y a quelques bonnes idées à la Donny Cates. Alors c'est, je pense, pas un arc effectivement ambitieux et qui aura une importance complète dans son run, même s'il fait des liens avec les dernières pages de l'épisode 6. Je me souvenais plus honnêtement, hein. J'ai été vérifié quand même, et effectivement l'épisode 6, la façon dont ça se clôt, bah là il y a quand même un lien, ça se suit, on va dire, c'est pas totalement indépendant. Et moi j'ai pris plus de plaisir à lire cet épisode qu'à lire les précédents, au niveau de l'ambiance, au niveau du ton. Alors c'est beaucoup plus léger, il y a beaucoup d'humour. Il y a un cliffhanger un peu what the fuck, hein, on va voir ce qu'il va en faire, je sais pas trop. Ça me paraît un peu gros, mais c'est du gros à la Donny Cates, donc ça passe bien. C'est peut-être effectivement un arc filine, on va dire, entre guillemets, même s'il y a des liens avec le gros arc précédent. Mais en termes d'écriture, moi j'ai trouvé ça nettement plus digeste que ce qu'il a fait précédemment. Ok. Donc pour moi, c'est un bon épisode, sympa, Sans doute pas hyper impactant sur l'ensemble de ce que veut faire Donny Cates, mais quand je l'ai lu, parce que voilà, franchement, au niveau de l'état d'esprit que j'avais à lire Thor, j'étais pas super emballé quand même. Je trouve que depuis le début, c'est pas sa meilleure série. Je trouve qu'il n'a pas réussi Oui. à retrouver le ton et les. On était toujours un peu sur les fesses quand même à chaque fois, et c'était toujours. Il y avait quand même un mélange, il y avait toujours un peu d'humour. Là, j'ai trouvé que ça se voulait trop sérieux, on va dire, le premier arc. Par rapport à ce qu'il sait faire et ce qu'il fait d'habitude, d'où un certain ennui par moment. Et là, là c'est presque un peu tout le contraire. Alors, c'est pas un épisode comique, hein, mais il y a effectivement des séquences, pardon, un peu drôles, un peu décalées, qui fonctionnent bien. Bon, on verra. Je verrai bien son deuxième épisode, quoi, la fin de l'arc, et puis sur quoi il embraye après. Mais ça m'a redonné un peu foi en Thor et en Donny Cates, sur Thor. D'accord, parce que Donc, moi c'est bon. vrai que tu me laisses le choix entre lire du Venom ou lire du Thor. Bah, bon, je crois vite fait, c'est pas Thor que je vais prendre. Parce qu'effectivement, bah, et ça se traduit par le fait qu'en fait ce numéro 7, j'ai oublié de le lire en fait. J'ai oublié. Ouais, bah ouais. Et au moment de regarder, je me suis dit, bon, bah regarde la sollicitation. Ouf. Et puis j'ai regardé la page de récap. Ouais. Ouf. Et puis du coup, bah, je l'ai pas lu. Ouais, bah Voilà. moi je le prends, il vient tous les mois, enfin oui, une fois par mois, donc et puis moi je lis pas du tout les sollicitations, hein, donc je savais même pas que c'était un changement de dessinateur, que c'était un nouvel arc, enfin si je devais m'en douter, mais je me souvenais plus comme j'avais pas été vraiment emballé par le premier arc, j'avoue que voilà, j'étais pas totalement concentré dessus. Je ne me souvenais même plus de la fin de l'arc précédent. J'ai été voir pour voir s'il y avait quand même d'où ça venait cette histoire là. Bon, je t'avoue que je m'en souviens pas non plus. Oui, bah oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Les séries précédentes quand même de Donny Cates, on se souvenait de ce qu'avait été raconté l'épisode d'avant. C'était marquant, on avait retenu. Et là, je trouve que bon, bah Là, c'est on vrai que n'a je suis pas retenu. obligé, ouais. Moi, j'ai pas retenu grand-chose. Je suis obligé de lire la Donc page de récap à chaque fois. voilà, ouais. Donc c'est dommage parce qu'a priori c'était son objectif ultime, on va dire, d'être sur Thor et de raconter ce qu'il voulait sur ce personnage. Et pour l'instant, bah, ça patauge un peu. Mais bon, là, ça sans doute un petit arc de détente qui me relance un peu dans la série. Eh bien, tant mieux. On verra si je Puis reviendrai après. j'aime bien Aaron Cudder, moi, au niveau des dessins. C'est vrai qu'il a un style un peu particulier qui apporte cette légèreté, on va dire. Voilà, tu peux pas faire du. Pas trop, même s'il avait fait sur les gardiens de Degan, mais j'allais dire, tu peux pas trop donner un côté cosmique super tendu avec ses dessins. Mais ouais, sur les gardiens, ça fonctionnait pas mal aussi. Mais sur les gardiens de Gary Dugan, il y avait aussi beaucoup de dérision et de second degré, hein, qui fonctionnait bien avec ses dessins. Donc voilà, bon, on verra, hein, au final ce que cet arc aura comme impact et comme importance. Mais ça m'a redonné envie de lire Thor, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Et du coup, on va fermer la porte de chez Marvel et on va aller regarder par la fenêtre chez IDW. Parce que Non, je crois que cette... Non, c'est Dark Horse, c'est Dark Horse. chez Dark Horse, ouais. C'est les voisins, voilà, Et ils sont dans la même rue, c'est les voisins. voilà. Et là, malheureusement, je vais pas être très positif. Ah merde, parce Et que du coup, c'est bien j'allais dommage. dire pour introduire cette série, il y a Vas-y. des fois des séries qu'on commande, qu'on se comprend pour soi, et puis qu'on met de côté. Et puis le numéro 2 sort et on n'a toujours pas lu le numéro 1. Et le numéro Ouais. 3 va arriver et on n'a toujours pas lu le numéro 1. Et ben ça c'en est une. D'accord. Non, moi j'avais lu le numéro 1. Alors c'est X-Ray Robot de Michael Allred et Nat Piekossos au lettrage. J'avais lu le numéro 1, mais le numéro 1 est sorti il y a très longtemps puisque c'était avant le confinement. Ouais, il y a eu une grosse période. C'est Voilà. encore, du coup, ça rend le truc encore pire que j'ai pas lu le premier, quoi. Là, c'est scandaleux, faut le dire. Moi, ce qui m'a fait aller sur cette série, c'est bien sûr l'équipe artistique, Michael et Laura Allred. En termes graphiques, c'est du plus pur style de ces deux artistes. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je croche au dessin, j'aime ça. Donc là, il n'y a rien à dire. Ils font le taf. C'est assez imaginatif, même si, bon, après, au niveau histoire, je vais en parler. Ça reste un peu plan-plan au niveau des lieux où ça se passe. Mais c'est par contre, au niveau de l'histoire, bah, ça n'avance pas, quoi. C'est mou. Alors, je rappelle rapidement, c'est des scientifiques donc, qui travaillent sur le voyage dans le temps, etc. Et qui, suite à si je me souviens bien, parce que le 1, donc, ça fait plusieurs mois que je l'ai vu, suite à un petit accident, etc., il y a un robot qui revient et qui leur dit que c'est leur conscience à tous, en fait, et il vient du futur et qu'il va y avoir une catastrophe, un truc comme ça. J'avoue que je me souviens plus exactement, mais. Et puis là, dans l'épisode 2, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Il parle avec lui, il essaye de les convaincre de le suivre dans le tunnel pour voyager dans le temps. Ils y vont. Il y a une partie de l'équipe qui y va. Bon, ils leur montrent des trucs. Alors graphiquement, c'est sympa. Mais finalement, il se passe rien ou presque, quoi. Je me suis ennuyé, franchement. Et puis au niveau narration, c'est lourd, quoi. Au niveau des dialogues, au niveau de la façon de raconter les choses. Je sais pas s'il avait déjà fait des séries en tant que scénariste. J'ai pas cette connaissance, malheureusement. Moi, je le connaissais qu'en tant que dessinateur. Mais je trouve pas que ça soit un bon scénariste, en tout cas sur cette série. Et donc, je me suis sérieusement ennuyé. Alors, il y a que 4 épisodes, donc je vais sans doute aller au bout, voir s'il n'y a pas une petite lueur au bout, là. Une petite flamme qui se ranimerait. Mais franchement, déjà le premier au niveau scénario m'avait moyennement emballé, je trouve ça correct, mais pas top top. Et là, le deuxième, pouf, voilà, pouf, c'est ça mon ressenti. Voilà, c'est plan plan, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de malin, il n'y a pas d'idée vraiment surprenante. Donc je pense qu'il misait pas mal sur ses dessins, donc les dessins sont sympas, mais ça, comme tout, enfin une grande partie de l'épisode se passe dans un laboratoire, il y a quelques scènes dans le tunnel dimensionnel qui sont sympas. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de, non, enfin, voilà, je suis un peu dur, hein, mais franchement, je suis ennuyé. C'est la seule série, une des seules séries où je me suis ennuyé là dans mes dernières lectures, et où, si c'était pas en 4, honnêtement, j'irais pas jusqu'au bout, je m'arrêterais. Là, je vais y aller parce que bon, il me reste 2 épisodes. Je me dis que je vais lui laisser une chance, mais ce serait une série plus longue, j'arrêterai dès maintenant. Ok, Voilà, bah donc je t'ai motivé ça me donne vraiment encore envie une de la lire fois. du coup. Ah, je suis désolé, hein, mais. Quelle horreur. Non, non, mais Non, écoute. vraiment, c'est pas. Je pense que c'est. Voilà, c'est quelque. Enfin, je sais pas si. Tu sais, peut-être, toi, s'il a déjà scénarisé d'autres séries. Non, je me Non, rappelle ça te dit d'un rien. truc qui s'appelait Art Ops, Ouais, mais mais bon. je ne sais pas si c'est lui qui scénarisait. D'accord. Parce que je pense que. Honnêtement, il s'est. Voilà, moi, je l'avais vu sur. Notamment avec. Sur le Silver Surfer, pardon, de Dan Slott. Ouais. Mais c'était scénarisé par Dan Slott, et là, c'était, pour moi, c'est un de mes comics préférés de ces dernières années. Mais c'était scénarisé par Dan Slott, qui est quand même un scénariste, même s'il est inégal, sait faire de très bonnes choses. Là, je pense qu'en termes de, voilà, en termes de narration et de storytelling, c'est plan plan. Pouh là là. Oui, bon, voilà. Je vais arrêter parce que je vais me répéter et je vais pas être sympa, donc vaut mieux que j'arrête, mais déçu, quoi. Déçu. Bon, bah écoute, tant pis du coup, malheureusement. Moi qui ai une réputation de 10 sur 10, Et bah là, du là c'est coup, un peu. T'es mort. c'est plutôt pas 10, quoi. Ah ouais, si je devais faire une review et mettre une note, ce serait limite 5 pour les dessins et pas plus, hein, voire moins. Hein, que vraiment, vraiment c'est faible. Mais bon, on va passer un dernier titre et là on va remonter sérieusement le niveau, puisque Ah, bah alors vas-y. là c'est terminé en plus la série. Donc c'est Billionaire Island de Mark Russell, Steve Pugh et Chuck Rea, comment c'est son prénom? Ah bah Chris alors Chakri, là. aux couleurs. Et là, donc il y a 6 numéros. Alors je pense qu'au départ c'était prévu en 4, et puis ça a dû être rallongé, mais ça se sent pas, ça fait pas rallonge artificielle. Je pense que il a dû modifier son histoire en cours de route et dire qu'il avait d'autres, plus de choses à raconter. Donc pour rappeler très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé et j'ai déjà fait des reviews sur le site, donc voilà, je vais faire un petit résumé rapide, mais pas très long. Donc c'est une satire sociale qui s'intéresse aux 1% les plus riches, on va dire, hein, les billionaires en anglais. Et c'est vraiment une satire caricaturale. Donc l'histoire, c'est que un groupe de millionnaires décide de fabriquer une île où ils vont se regrouper entre eux et chasser manu militari tous les intrus qui n'auraient pas leur possibilité financière à leur statut. Donc d'emblée, voilà, le pitch initial pose les. Et donc on connaît quand même Mark Russell pour son, voilà, ses séries piquantes, satiriques et pas vraiment de droite, on va dire, hein. Et là, c'est tout à fait ça. Mais c'est de la caricature, donc ça va pas plaire à tout le monde comme série, clairement. Mais si on accroche voilà, de pas trop loin aux idées, et si on est amateur de ce genre d'humour, ça fonctionne très bien. Et moi, j'ai vraiment accroché et je me suis enchaîné les 3 derniers, 4, 5, 6. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Clairement, je vais sans doute faire une critique par écrit, ou si on n'est pas à 10, on sera pas loin. Donc, son histoire est vraiment solide, tient la route. Il aborde plein de choses, que ce soit la mainmise des plus riches sur l'essentiel des richesses aux dépens du reste de la population, sur tout ce qui est écologie, tout ce qui est nutrition, on peut penser à Monsanto par exemple. Il parle aussi de virus, ce genre de choses. Un thème, c'est bien construit. Il y a vraiment des personnages haut en couleur et souvent décalés. Hein. Bon, alors il y a la journaliste, c'est elle qui raconte l'histoire, une journaliste intègre qui vient l'interroger parce qu'elle a des doutes sur voilà, son intégrité, sa probité. Il y a un justicier qui veut venger sa famille. Il y a un architecte qu'on découvre au milieu de la série à peu près. C'est l'architecte de Lille qui a fini par péter un câble, se rendant compte pour qui il travaille, et qui finit dans une grotte en couple avec un mannequin en plastique, hein, dont il tombe amoureux. Enfin bon, voilà, il y a des situations grotesques, mais qui fonctionnent plutôt bien. Il y a un chien aussi qui est assez atypique, puisque c'est lui qui décide du sort des prisonniers en suivant dans quelle gamelle il mange, on décide du sort des prisonniers. Enfin voilà, c'est vraiment très décalé. Hein. Bon, après, faut apprécier. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un comics engagé, clairement. Il y a quand même un propos politique derrière. Et ça, c'est pas tous les jours quand même qu'on croise ce genre de série en comics. Donc, moi, ça m'a bien plu. Les idées développées me déplaisent pas non plus. Et puis, Steve Pugh au dessin, c'est quand même super régulier, super propre. Là aussi, assez rythmé, efficace. Les couleurs de Chris sont sympas aussi, assez vives. C'est du Ahoy Comics. J'en ai déjà parlé de Second Coming de Mark Russell aussi, qui était très bon. De L'autre Terre qui est sorti chez Delcourt, The Wrong Earth de Tom Peyer, je sais pas ce qu'il est. Ah oui, mais bon, c'est un chef, on va dire, pour faire simple. Vraiment quelques bonnes séries chez cet éditeur et je vais aller creuser encore un petit peu. Ça sort en français chez Delcourt. Il y aura Second Coming l'année prochaine. Là, il y avait Captain Ginger que j'ai chroniqué. J'espère que Billionaire Island va arriver aussi. Comme c'est du Mark Russell, on peut y penser raisonnablement. Voilà, gros coup de cœur, franchement. Je me suis bien éclaté à chaque épisode de cette série. C'est une mini en 6. Le TP devrait pas tarder à sortir en VO, ou j'espère en VF l'année prochaine. Donc, si vous n'êtes pas hermétique à ce genre de satire un peu caricatural, mais voilà, une fois qu'on sait où on met les pieds et qu'on n'est pas contre, c'est du top, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé. Très Je bien. finis sur une bonne note. Ben oui, après avoir été un petit peu ronchon, ça change, Bah oui. ça change de ton, c'est très bien. Donc ça va conclure cette 306e émission, ma foi qui aura été encore bien riche. Bah oui, on avait encore des trucs à lire. Hein. Ouais. On reçoit, moi je reçois des trucs dans ma boîte régulièrement, il faut bien que je les lise. Hein. Ben c'est Qu'est-ce que ça, tu hein, on veux? n'a pas le Hein? choix. Quand ça s'arrêtera, je lirai plus, mais. Ben oui, quand ça s'arrêtera. Si un jour ça s'arrête. C'est ça. Allez, on n'a pas eu le temps de faire la question rituelle la dernière fois, donc du coup Ah, cette fois je c'est sais que vrai. je vais te prendre au dépourvu, donc je vais la Oui. poser. D'ici la prochaine fois, qu'est-ce qui t'attend dans ta pile à lire? Ou dans Alors, les c'est. dans, ou quelles sont les nouveautés peut-être que tu guettes le plus? Attends, je vais. Ah, alors là, voilà, évidemment, tu me prends à brûle-pourpoint, si je puis dire. Exactement. La semaine prochaine, il y a pas mal de trucs. J'y vais tout de suite, bientôt, dans pas longtemps. Bah non, je suis perdu là. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus. Ah, si, il y a November, Ouais, qui arrive le là numéro 3 normalement, qui arrive qui normalement arrive. cette semaine, ouais. Ça va être une grosse lecture. Dans les séries, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a Scumbag de Remender. Alors, j'y vais, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit. Autant j'aime bien les séries de Rick Remender d'habitude, hein, Black Science, Deadly Class, etc. J'avais bien aimé les dessins de Death or Glory, moins le scénario qui m'avait paru quand même assez peu développé. Et puis là, le pitch m'excite pas trop, moi, mais bon, on verra. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Après, je suis perdu, faut que je regarde. Il y a de l'AVF aussi qui m'intéresse, mais en VO, je sais plus du tout. Daredevil qui sort aussi le 23, la semaine Ouais. prochaine. Donc là, le 22, moi j'avais bien accroché. Et je suis toujours fan de cette série. En VO, ça doit être à peu près tout, je crois. Family Tree qui revient pour un troisième arc. Et Stillwater, ah oui, voilà, non, il y a des choses, oui. Maintenant que j'ai réussi à accéder à ma page. Stillwater de comment s'appelle-t-il? Chibzarsky encore. Le premier était quand même assez emballant. Donc. Je pense que le 2 va être certainement une de mes premières lectures la semaine prochaine. Et en VF, il y avait un truc, c'était quoi? Je ne sais plus. Alors il y a le Firepower, ça, t'en as parlé positivement, donc je vais aller voir. Même si moi, à titre personnel, j'étais pas super excité. Et il y a chez Glénat, parce que Glénat, ils sont un peu à la rue quand même, hein, ils sortent plus Un peu, grand-chose. ouais. Je suis méchant. Non, non, t'as un peu raison. c'est un peu compliqué quand même. Il y a Oui. beaucoup de séries qui se sont arrêtées, ils sont un peu perdus. Et par contre, ils sortent l'omnibus Coda de Simon Spurrier. Ça, je l'avais pas vu venir. Et alors, c'est pas la semaine prochaine, c'est le 28. Ça a été décalé d'une semaine, j'ai vu ça. Ça, je vais me le prendre parce que Simon Spurrier, dans le genre fantasy, ça fonctionne bien. J'avais lu le Beffroi qui était sorti chez Akileos il y a quelques années. Et c'était très bon. Et donc, je pense que ça va être en VF, un de mes achats prioritaires. Et puis, il y a du. Chez DC, chez Urban. Il y a deux titres en DC Confidentiel, là, ça, et l'autre, c'est La Légion Super-Héros, que je connais pas. Je n'ai pas été déçu pour l'instant par ces titres dans le label DC Confidentiel. Et le Doomsday Clock, que je n'ai jamais lu en VO. Donc, je vais pouvoir découvrir Ah oui. 6 ans après Six en ans après le VF. début, ouais. Je sais pas, parce que là, on en est à du décalage de chez décalage. Donc, Ouais. voilà en gros les futures lectures. Il y a du nouveau, Alors moi, je vais t'en ajouter dans tes du très futures bon. lectures, puisque il paraît que bientôt tu vas enfin découvrir Batman 100. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Bah, celui-là, je vais peut-être le lire assez rapidement pour m'en débarrasser, peut-être. Non? Vu qu'on en parlait dans la dernière émission, je t'en remets une petite couche là-dessus. Et puis bah tous les titres dont Ouais. j'ai parlé aujourd'hui ou la semaine dernière, et puis que tu vas bientôt découvrir, hein, le Seven Secrets, le Rorschach, enfin, il y a de jolies choses aussi qui ne sont pas que des nouveautés qui t'attendent. Et moi aussi, toutes ces séries là dont je vais parler, je sais que tu les lis aussi, mais j'attends le prochain Seven Secrets aussi, j'attends le dernier Wind évidemment. Tu parlais de Cy Spurrier, moi j'attends le dernier Alienated. Ouais, c'est bien Qui est ça, sa c'est toujours aussi série bien. qui ouais, le premier numéro m'avait plu, le deuxième m'avait plu un peu plus, le troisième un peu plus, et là les 4 et 5 sont vraiment formidables. Ok, donc J'attends ça que la série soit sort. finie pour en parler ici. Une fois qu'elle sera finie, il manque plus qu'un épisode. C'est chez Boom. Le TP arrive est déjà dans le catalogue du mois d'octobre, donc il va arriver en décembre, le TP. Et ça sort chez iComics l'année prochaine. Bah voilà, bah ils ont fait une très très bonne pioche, parce que vraiment. Super série, j'en parlerai ici une fois le dernier numéro sorti, mais c'est un de mes coups de cœur de l'année, je pense, en indé. Ah ouais, ah Ouais, je pense. bah, je vais aller voir ça. Avec un Wind, avec des choses comme ça. Ouais. C'est que du boom, hein, mais ça fait partie On des va croire meilleures que... choses que j'ai lues. Voilà. Ouais, Pour non, qui s'intéresse évidemment à la thématique young adulte. Enfin, on est même ouais, sur après... de l'ado lycéen là. Mais ouais, il y a Mais un vrai Spurrier est truc. quand même souvent un bon scénariste, hein, et il Ouais. écrit des bonnes choses. Non, j'aime bien, ouais, effectivement. Qu'est-ce qui m'attend moi ce mois-ci? Pop, pop, pop. Bah, le dernier numéro de Street Jokers aussi, qui sort à la fin du mois. Ah oui, c'est vrai. On va voir. Suspense. On va voir. Ouais, à la fois suspense et à la fois appréhension, hein, suite à ce qu'on a dit la semaine dernière. Ouais. Alors, je me Voilà. dis que si l'histoire des Street Jokers est au moins, il va peut-être pouvoir nous. Il nous aura peut-être écrit une bonne série polar un peu. L'écriture est pas mal quand même. Donc la déception sera peut-être Peut-être. un peu moins forte. Puis moi, comme je suis de loin maintenant d'ici, etc., on va dire que pour moi, c'est un truc un peu hors continuité, indépendant. Donc. Même si je trouverais ça un peu dommage, parce qu'à mon avis, il peut pas y avoir un impact tel qu'il était prévu initialement. C'est pas possible vu le retard que ça a eu Je pense et pas, la ouais. direction que prend DC maintenant. Mais voilà, au moins s'il peut nous écrire une bonne mini-série, ce qui est le cas pour l'instant, c'est plutôt quand même agréable à suivre, ça sera déjà ça. J'ai commencé le nouvel arc de Wonder Woman par Mariko Tamaki, qui a signé notamment Breaking Glass, Harley Quinn Breaking Glass, dans le label jeune de chez DC, et qui est sorti chez Urban Link. J'aime bien ce début de run qu'elle nous propose, avec Maxwell Lord qui tient un rôle assez important, une nouvelle ennemie qui est introduite, qui est créée, ça s'appelle Liar Liar. Voilà, c'est du Wonder Woman assez léger, assez sympa. Jusque-là, j'aime bien. Donc, je vais terminer le premier arc. Là, j'ai 2 numéros de retard. Ça sera dans mes lectures du mois. Voilà, quelques petits trucs comme ça. Et puis, ça y est, enfin, j'ai tous les numéros de Empire. Il m'en manquait un qui ne voulait pas arriver. Donc, ça y est. Donc, je vais pouvoir lire cet event Marvel qui a l'air de tenter aussi Anthony, avec nos deux Young Avengers préférés dedans. Et puis voilà. Et puis bah dans les Ouais, lectures bah je évidemment, oui. Empire, bah j'irai sans doute. J'attendrai ton avis. Et puis peut-être en TP ou peut-être en VF, mais je sais pas ni. Je sais pas si c'est une grosse idée d'attendre Panini et d'avoir un tarif élevé. C'est pas Je sais pas, je verrai. grave. Mais bon, comme j'ai aussi un peu lâché la continuité Marvel, donc Oui. c'est peut-être pas une super idée. Mais bon, j'avais pris le Incoming que j'ai pas lu et il y avait eu un deuxième épisode un peu introductif, comment ça s'appelait, avec les Skrulls, là. Il y Voilà, avait, y a eu le celui-là. Marvel 1000, et après il y a eu le Incoming, et Et il y après il avait y un a eu un autre. one shot qui s'appelait Lord of Empire. Oh, je sais plus. Enfin bon, je l'ai pris. Donc j'ai de quoi, on va dire, bien débuter cet Ouais. event. Donc je pourrais le faire, mais Et puis il y a eu le on handbook verra. aussi. Il y a eu un handbook qui Ah, récap un peu tous les. Avec des fiches personnages et tout ça pour faire le récap d'accord. pour ceux qui n'auraient pas raccroché les wagons. Ok. Bon, je Voilà. verrai déjà ton avis si C'était un truc ça avec te la dit que. Chris-Skrull War, peut-être, le truc que t'as pris toi. Voilà, c'était ça. Parce que là, j'avais pris le. Il y avait eu un one shot de Robbie Thompson, je crois. C'est ça. Enfin, un one shot, hein, une série en quatre, et donc c'était un peu une suite en lien avec ça. Et ça, je l'avais pris, mais je l'ai pas ouvert. Mais Ok. voilà, j'ai des billes, on va dire, pour pouvoir profiter a priori correctement de cet event. Est-ce que j'irai? Je sais pas, on verra. Et ben on le On verra saura bien. prochainement peut-être. Suspense. Et puis dernière chose dans les lectures, j'en aurais plein encore à dire, mais la dernière, ça va servir de teasing pour une prochaine émission. J'ai les 5 TP de Awa, le petit éditeur indé là, dans la gamme Upshot, que j'ai reçu et que je vais pouvoir lire. Et du coup, on fera sans doute, une fois que toi tu auras lu aussi les 2 TP que tu as choisi de lire dans cette gamme-là, on pourra faire un petit retour sur ces 5 mini-séries là qui sont sorties en TP, des TP pas chers en plus, moins de 10 $ pour des mini-séries complètes. Pour un éditeur qui se lance, Ouais. c'est quand même cool. C'est quand même pas mal. Donc voilà, il y a 5 séries aux ambiances un peu différentes, mais a priori toutes reliées dans le même univers. Et donc du coup, voilà, on pourra sans doute le temps d'en faire une émission consacrée à cet éditeur et à ses séries prochainement. Voilà. À fait. Voilà pour mes lectures à venir, et c'est déjà bien assez, je pense. Et ben voilà, on a terminé pour le 306. Le 307 arrivera prochainement, on ne peut pas vous dire quand. Là, on en a fait 2 en une semaine. On verra quand est-ce que nous aurons assez de lectures pour faire une émission. Je pense que ça devrait pas tarder quand même avec ce qui Mais arrive. vu les gros morceaux qui arrivent sur la fin du mois d'octobre, là, oui, clairement, d'ici 2-3 semaines, on est reparti pour une nouvelle tournée. Sans doute. Sans doute, oui. Continuez évidemment à nous suivre sur la version écrite aussi, hein. Vous avez quelques belles choses qui arrivent avec une toute petite interview mercredi. Voilà, un petit monsieur Voilà. Dont le prénom est qui a peut-être pas Terry. beaucoup de voilà. Donc ça, et puis j'ai eu d'autres interviews qui arrivent Oui, il y a pas petit mal à de. petit, des chroniques aussi. Là, je vais avoir un peu de temps, vers des petites chroniques VF que j'avais pas eu le temps de faire sur du Delirium, par exemple, avec de Max Immortal, dont je voudrais parler et que j'ai beaucoup aimé, notamment, et puis d'autres. Voilà, il y a toujours de quoi s'occuper, hein, faut pas croire. Non, c'est clair, il y a toujours de quoi s'occuper. Voilà. Donc voilà, allez aussi jeter un oeil sur la version écrite. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. On a eu un concours la semaine dernière en partenariat avec Delcourt autour du titre Murder Falcon. Et on en a un autre qui arrive cette semaine aussi autour d'un titre de ce fameux monsieur Terry M. Voilà. Qui est aussi en partenariat avec Delcourt, avec là encore des tomes à gagner. Allez, bonne lecture à vous, merci de nous avoir suivis, et on se retrouve donc très vite pour le numéro 307. À bientôt! À bientôt. Thank you.